Chapitre 7e, chez les esthètes. Il était environ 10 heures quand trois personnages d'allure plus qu'étrange descendirent d'un autotaxi à la porte du Balbulier, qui est la station de la ligne d'Orléans, tout au bout du Luxembourg, s'épanouit de toute son électricité, ouvrant ses portes décorées de bas-reliefs chahuteurs aux hordes joyeuses du quartier latin. Le trio se décomposait ainsi. Un jeune homme blafard, glabre, les yeux cernés de bistre, les cheveux longs tombant sur le collet d'une sorte de jaquette collée à son torse, coiffé d'un melon imperceptible. Un bon bourgeois, enveloppé d'une ample redingote, l'air d'un provincial endimanché et cossu, la face rougeaude et la physionomie absolument bête. Enfin, une jeune fille, non, un fourreau de laine grise, dans lequel il y avait peut-être quelque chose, mais de si menu, de si inconsistant, qu'on eût dit une apparition fantomatique. Des cheveux en longs bandeaux plats, se rejoignant presque au menton pour se perdre ensuite sur la nuque en un nœud mal peigné. La face béate, éclairée de grands yeux d'une expression vague comme lointaine. Et les trois personnages, lents, glissant sur le sable, s'engagèrent au milieu des gronds bruyants et rieurs. Bientôt ils avisèrent une table libre, au plein milieu des allants et des venants, et sans honorer d'un seul regard ceux qui les entouraient, commandèrent des alcools variés. La jeune fille, du geste le plus naturel du monde, avait tiré de sa poche un revolver qu'elle avait posé sur la table à portée de sa main. Le jeune homme avait imité le geste, mais ce qu'il avait placé auprès de lui, c'était un flacon plein d'une poudre blanche sur lequel se lisait nettement ce mot « strychnine ». Puis, tous trois s'accoudèrent en un triangle serré et se mirent à chuchoter très bas, mais non sans que de temps en temps quelques mots ne fussent entendus. L'homme à tête de bourgeois prenait un air inspiré et buvait avec acharnement, invité d'ailleurs par ses deux compagnons, le jeune esthète surtout, qui s'était écrié « Ah, que ces liqueurs folatailliers sont fades au palais froid d'Alame. Garçon, du sherry brandy !» Avec un geste languissant, la jeune femme avait dédaigné cette liqueur, qu'un hétéromane eût déclarée incendiaire, et avait laissé tomber ces mots d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Il n'est que le démon aux yeux verts. Garçon, une absinthe. Au sucre, gomme ou anisette ?» Rien ne saurait rendre le regard de mépris qu'elle laissa errer sur l'interrogateur avec ces mots. « Nature est saignante !» Le jeune homme s'était rejeté en arrière sur sa chaise et, les yeux languissants, comme hypnotisés par le ciel, où il semblait chercher une étoile, il disait à mi-voix « L'heure est-elle venue? Sous l'archet de l'inconnu, le mystère va-t-il enfin vibrer sans secret? Oh, Arcane !» La main sur le revolver, la jeune fille répondit « L'heure est-elle venue? Faut-il, de cet engin de mort, trouver la voûte de l'infini d'où dardera le rayon ?» Le bourgeois intervint. « Les papiers? Le journal ?»« À quoi bon ?» fit le jeune esthète d'un ton las. « Faut-il s'efforcer quand un gramme de cette poudre blanche peut infuser en nous l'éternel repos ?» Or, dans le milieu excentrique où les gens bizarres s'étaient venus placer, et où étaient nombreux des types analogues, personnages pâles, falots, à face de déterrés, femmes longues et massiées, coiffées à la Botticelli, spécimen d'une jeunesse étrange qui se comptait, au temps présent, en les apparences débadées de sépulcres, nos personnages étaient d'abord restés inaperçus. Mais le jeune homme Abbe avait, sur la demande réitérée du bourgeois, tiré de sa poche une feuille de papier qu'il avait étendue sur la table de forme octogonale et sur laquelle se détachait en lettres d'un vers livide ce mot qui semblait un titre, la surmort. Et tout droit, penché sur cette feuille, dont le format était inclassé dans la typographie, discutait vivement. Le bourgeois avait pris un crayon et faisait des calculs sur le coin du papier. Les chiffres s'alignaient et étaient l'objet d'une discussion vive et animée. Le bourgeois, enfin, tira de sa poche un rouleau de louis qu'il ouvrit et qu'il se mit à disposer sur la table, par rang de 5. Le jeune esthète et la femme secouaient la tête, la lèvre dégoûtée. Ce vil métal paraissait les dégoûter profondément. Mais parmi les excentricités dont le lieu était souvent le théâtre, celles-ci dépassaient les bornes de l'ordinaire. Si bien que, peu à peu, un groupe se forma autour de Toto, de Susan et de Michel, qu'on a déjà reconnu et qui jouait à merveille le rôle de décadent à outrance, empaumant et exploitant un bourgeois naïf et passionné. Bien entendu, ils paraissaient ne pas remarquer l'attention dont ils étaient l'objet, si bien qu'à la fin, un des plus pâles parmi ces pâles leur adressa la parole, et la conversation s'engagea, incohérente, hallucinée, entre ces théoriciens de l'aliénation mentale. Toto expliquait. Il voulait fonder une revue d'une forme absolument nouvelle. L'in-folio, l'in-quarto, l'in-octavo, l'in-18 avaient fait leur temps. Ces lignes droites ne répondaient pas aux aspirations des âmes courbes ou brisées. C'est pourquoi la nouvelle publication, la Surmort, destinée à célébrer le plus que néant, paraîtrait en forme octogonale, premier acheminement vers la forme idéale, l'ovoïde, et plus tard la spiraléenne. Mais quels hommes seraient assez courageux pour diluer leur génie en ces audaces d'au-delà le tombeau ? De ces fantoches décolorés qui écoutaient attentivement les imbécilités extravagantes que Toto leur débitait de l'air le plus convaincu, que Suzon soulignait de son sourire navré de spectre ennuyé, que Michel, le bourgeois halluciné, approuvait d'un dodelinement de la tête, certains, un petit nombre, étaient de bonne foi, gamins dévoyés, désespérés avant d'avoir espéré, dégoûtés de la vie avant d'avoir vécu, d'autres, les malins, flairaient une affaire. Tant et si bien qu'une rédaction nombreuse s'offrit pour réaliser la grande pensée du maître. Le maître, c'était Toto, qui s'inclinait modestement, accentuant le galimatia double qui tombait comme des perles de ses lèvres pâles. On buvait beaucoup, on buvait trop. Quelqu'un proposait d'aller causer de la surmort dans le salon d'un cabaret, où on serait bien tranquille, et où on jetterait les bases définitives de l'entreprise géniale qui devait révolutionner le monde. On se trouva bientôt une quinzaine dans l'entresol d'un café, à l'entrée du boulevard Saint-Michel, mal éclairé, sombre, propre aux méditations cénotafesques. Toto déclara que les rédacteurs de la Surmort devaient à leur dignité de ne boire, passé minuit, que de l'absinthe, en attendant qu'ils organisassent une fumerie d'opium. De fait, ayant invité ses futurs collaborateurs à lui déclamer quelques-unes de leurs œuvres, il donnait l'exemple, absorbant purée sur purée qui semblait couler dans son gosier comme du petit lait. Maintenant, tout le monde parlait à la fois, de voix rauque et volontairement sinistre. Suzon s'est élevé et entamait, d'un accent lamentable, les rêves de la Strige. Toto, se reculant dans l'ombre des rideaux, avait semblé s'évanouir comme une apparition fantomatique, une de ces matérialisations médianimiques qui passionnent les occultistes. Un silence de mort régnait dans cette pièce au plafond bas, et où la fumée des cigarettes mettait des nuages opaques. Tout à coup, les rideaux s'écartèrent, et sous un rayon blanc et blafard, un être apparut, livide, effrayant, avec ses cheveux noirs et brillants, avec ses traits fins, un nez en bec d'oiseau et sur la joue, un signe noir. Un cri partit du fond de la pièce, « Le marquis !» Le fantôme dit, « Je suis Firmin !»« Vous qui m'avez tué, soyez maudits !» Tous les assistants étaient plus ou moins ivres, plutôt plus que moins. Il y eut des hoquets d'épouvante, une ruée vers la porte. Elle était fermée à clé et le bourgeois, c'est-à-dire Michel, s'était placé devant. Puis des mots s'entrecroisaient, chuchotés. « Firmin, oui c'est lui, mais il est mort, je l'ai vu à la morgue, c'est son spectre !» Deux femmes s'évanouissaient. Alors soudain, le fantôme arracha ses cheveux calamistrés, enleva son nez, effaça de revers de main la tache noire qui déparait sa joue, et une voix gouailleuse cria « Tas d'imbéciles malfaisants, il n'y a pas de fantôme, il n'y a que Toto Fouinard. Entendez-vous, Toto Fouinard, qui vous a suivi à la piste, stupide animaux qui, par votre détestable folie, avait causé la mort de deux hommes et qui, si vous ne lui obéissez pas au doigt et à l'œil, vous dénoncera tous pour ce que vous êtes, des assassins. » En même temps, Michel avait levé les becs de gaz. La lumière éclatait. Ce fut un instant d'indescriptible désordre. Certains qui avaient été étrangers à l'aventure Firmin ne comprenaient rien à ce qui se passait. Les autres, quatre ou cinq, semblaient frappés de stupeur. « Allons, qui parle le premier ?» demanda Toto de sa voix brève. Il avisa un grand jeune homme qui était tombé sur son siège comme anéanti. Il le saisit à la cravate et le força à se dresser. « Parle, toi. Tu t'es de la bande. Ça se voit, ton effondrement. Tu connaissais ce Firmin ?»« Oui. » »« Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?»« L'autre soir. Où ça ?» Je ne sais pas. Tu sais, parle ou je t'étrangle. L'autre essaya de se débattre, mais Toto le cloua au mur. Parle, te dis-je, ou je l'envoie expérimenter la surmort. Et vous, continua-t-il en se tournant vers les autres, je veux, entendez-vous, je veux que vous me racontiez tout ce qui s'est passé pendant cette soirée maudite. Et moi, je vais te brûler le museau, dit un de ces gens qui alla droit à lui le revolver levé. Je t'en défie, sale ivrogne. Dit Fouinard en lui dardant son regard dans les yeux. « Vous tous, vous allez m'obéir, parce que vous n'êtes pas seulement des imbéciles, mais des lâches. « Allons, tire donc sur moi, abruti !» L'autre recula et lâcha le revolver. « Allons, pas de manière !» reprit Toto. « Je n'ai pas de temps à perdre. Si vous hésitez, je vous rossez tous à coups de canne. C'est tout ce que vous méritez, pantin que vous êtes !» Encore un fit mine de résister. Il s'approcha derrière Toto et leva le poing pour l'assommer. Justine veillait. Sans que Toto se retournât, le jonc, dur comme fer, siffla et s'abattit sur le poignet de l'homme qui râla en s'affalant sur une chaise. « Avis aux consommateurs !» reprit Toto. « Vous savez, je commence à m'impatienter. Voulez-vous parler ou non? Sinon, je vous conduis en troupeau chez le commissaire de police. »« Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda celui qu'il n'avait pas lâché, qui sentait toujours les doigts de Toto à son cou. Il interrogea et ils s'expliquèrent. C'était vrai que depuis une quinzaine de jours, ce firmin qu'ils ne connaissaient pas s'était mêlé à leur groupe d'esthètes, se montrant plus excentrique, plus abracadabrant qu'eux-mêmes, ayant la spécialité des choses macabres et aussi d'une langue néo-grecque qui les épatait, ils l'avouaient. Mais il buvait que c'en était effrayant. Il avait de l'argent et payait des consommations à tout venant. Il avalait des verres d'absinthe à s'en rendre fou, ne parlant que de mort, disant que tuer un homme c'était lui rendre service, parce qu'il rentrait plus vite dans la matière des mondes et poursuivait son évolution. Il se disait noble, marquis, ayant transformé son nom de Firmin en de Firmini. « Oui, » dit une femme qui était revenue à elle, « mais on savait ce qu'en valait l'aune. Faut vous dire qu'un jour qu'il était sous, il voulait m'épouser, pour de vrai, devant monsieur le maire. Il m'a dit qu'il allait me présenter à son père, qui était rentier au Grand Mont-Rouge, et nous sommes partis pour y aller. Il était 4 heures du matin, et nous sommes arrivés devant une petite maison. J'ai bien vu le numéro, c'était au 91 de la rue de Bagneux. Il y avait une boutique, avec dessus Firmin coiffeur. Mais au moment d'entrer, le voyant tellement ivre, j'ai eu peur et je me suis sauvé. Bon, et le soir, on l'a vu pour la dernière fois. Puisqu'on n'a tant fait que de parler, dit un de ceux qui n'avaient encore rien dit, j'aime mieux me décharger de tout ce que j'ai sur le cœur. Aussi bien nous n'avons pas fait de mal, et ce qui est arrivé n'est pas de notre faute. On avait passé la soirée. Il y en a 6 ici qui étaient, à causer, à dire des vers, des bêtises, si vous voulez. Firmin parlait plus que les autres. Il y a bien bu 10 absinthes. Il n'était plus sous, il était pire. Si bien que nous l'avons mis à la porte à 1 heure du matin, et quelques-uns d'entre nous lui ont fait un bout de conduite, jusqu'au quai. Vrai, il nous inquiétait d'autant plus qu'il avait un couteau. Un couteau catalan, dit Fouinard. Oui, il le tenait tout ouvert et gesticulait avec. Et tout à coup, il nous a échappé. Il a couru vers un bonhomme qui sortait de la rue Gilcoeur. Nous avons vu qu'il se coltait, que l'homme tombait. Nous avons eu peur et nous nous sommes enfuis. Voilà la vérité. Et maintenant que je me suis soulagé, je jure bien qu'on ne me verra plus dans ces histoires-là. J'en ai soupé. C'est bien, dit Fouinard, que les 6 qui ont assisté à la soirée en question me donnent leur nom ou leur carte. N'ayez pas peur. Vous avez fait des bêtises, mais non commis de crime. On vous interrogera, ce sera votre punition. Qu'elle vous serve. Nom d'un pétard, vous êtes jeune, vous n'êtes pas bête. Qu'est-ce qui vous prend de jouer les crevés, de chanter à la mort? Vivez donc, que diable, et tâchez d'être bon à quelque chose. Là-dessus, allez vous coucher, c'est moi qui règle les consommations. Il y avait une telle autorité, sa voix était si nette, si persuasive, que pas un ne songea plus à rouspéter. Ils s'en allèrent, un peu penauds, peut-être assagis. Le cafetier reçut la solde de son compte et les 3 amis déballèrent sur le boulevard. D'abord, ils ne parlèrent pas. Michel était quelque peu honteux, se souvenant des conseils qu'il avait prodigués, niaisement, à Toto. « Mais dis-moi, Toto, » s'écria-t-il enfin, « tu as bu plus d'un demi-litre des liqueurs les plus fortes qui soient au monde, et tu es calme, comme un enfant au biberon. » Toto se mit à rire, il se baissa, et de la jambe de son pantalon tira une poire de caoutchouc qu'il mit aux mains de Michel. « Voilà, » fit-il, « tout ça m'est passé par la gorge, mais en dehors, dans ma cravate. » Ou un aimable tuyau conduit le liquide auprès de mes bottines. Dame, on n'a pas été prestidigitateur pour rien. Et alors, enfoncez le pied de bœuf et sa séquelle. Je t'épluche, fit Toto en se tapant sur la cuisse d'un air gamin.